Enfin, c'est toi. Je viens à peine de sortir de prison. Qui t'empêchait de sortir plus tôt? Je t'avais envoyé une lime. Tu m'en veux d'avoir été en prison? Pour toi, j'y retournerai. Parce que tu m'aimes. Ton lieutenant était ici tout à l'heure, avec d'autres militaires. Ils nous ont fait danser. Tu as dansé? Oui. Et ton lieutenant me dévorait des yeux. Carmen! Tu es jaloux? Oui, je suis jaloux. Eh bien, je vais danser pour toi.